tu as des regrets, alors que tu sais ce que tu fais. Arrête donc de vivre dans l'excès, au risque de t'y perdre. Tu trouveras peut-être quelqu'un qui te plaît, et là tes sentiments sont sincères. Le temps n'effacera jamais les peines, on récolte ce que l'on sait. La vie a comme ça. Pour se venger, salir le nom des gens pour monter. Faire double, je sais bien tenter, le nez ne pourra rien y faire. Aujourd'hui tu aimerais te défaire de ce passé malhonnête, mais le temps n'efface pas les guerres, on récolte ce que l'on sait.